Tolanda nzela moko Tola kisa mobutu tolingiye Toko vote li susu De 14-15 pour na papi Couleur y'a kasa et change tel Maï en pondou, maï en pondou Tola ki sana bato to lingi kimia Politika e basta de toleka Peuple toko vote na confiance Denge to vota ki le 31 le premier Pa depute peuple a sengi bino Bosala na mobutu na confiance Etumba na bando ki esilite Soki bolo kaka bopenda na pembenye Na konfote bona la kisa demokrasi Na ko vote pour la paix sala na Congo na ko vote pour na benga na tribalisme na ko vote pour na benga na démagogie na ko vote pour na benga na anarchie na ko vote Pona benga na dictature Na ko vote, na ko vote Na ko vote, pona benga na kokoso Na ko vote, na ko vote Na ko vote, pona benga na politika yo Na ko vote, na ko vote Thank you. Je t'aime.